Eh, bif bif, dis-leur, on va les baiser. Eh, bif bif, ok, j'ai pas pris des coupables. Non, j'ai pas pris des coupables. Ouais, je suis tellement de spé qu'il m'invente même des histoires de Karajika. De Karajika, tu veux être ma femme? Ouais, allez, lourd en Kuna. Ouais, toi tu putes de la chatte et tu veux que je t'offre l'Italien Pika. L'Italien Pika, Bender, George, W. Bush, couler le sang comme un boucher. Il n'y a que les faibles qui sont là pour se coucher. Charlie Delta, c'est Chicago. Charlie Delta, c'est Chicago. Bender. Chez nous en période de crise. Ouais. Malaki en ville à cagoule. Ouais. Evry Green, c'est à Kaboul. Corbeil Essonne, c'est à Bagdad. Masiati, c'est à Gaza. Avenue, ils braquent même des magasins. Bender, la Bender. Ouais. Ouais. 91, c'est Los Angeles. C'est Los Angeles. La PMG, ma forteresse. Wow. Les corps des faibles sont dans les tombes. Bang, bang, bang. Toi, t'as parlé sur nous, maintenant compte les secondes. On les Eh, c'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile! Si sa femme est stérile, sa pute est féconde. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qu'il y a des femmes à des kalachnikovs. J'suis venu, j'ai vu, j'ai troqué le game quand Bernard m'adore. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qu'il y a des femmes à des kalachnikovs. C'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile! Si sa femme est stérile, sa pute est féconde. J'traîne avec gros bonnet.